L'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé que sa venue est une preuve de la proximité de la fin des temps, car il est le messager de l'heure. Dans un hadith, Sahal, radiallahu an, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « J'ai été envoyé, moi et l'heure, tels ces deux-ci, en indiquant les deux doigts en question et en les tendant. » Rapporté par Al-Bukhari. Anas, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « J'ai été envoyé, moi et l'heure, tels ces deux-ci. » Il dit, et il serra l'index contre le majeur. Rapporté par Muslim. Qais ibn Abi Hazim rapporte d'Abu Jubayra qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé à l'avènement de l'heure. Ainsi, le premier signe de la fin des temps est l'avènement de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le dernier prophète, et aucun autre prophète ne viendra après lui. Au contraire, c'est le jour de la résurrection qui viendra après lui de la même manière que le majeur et l'index se suivent. Il n'y a aucun autre doigt entre eux, ou de la même manière que l'un est plus grand que l'autre. Cela est appuyé par la version rapportée par At-Tirmidhi. J'ai été envoyé, moi et l'heure, tels ces deux-ci. Abu Daoud indiqua l'index et le majeur, de combien l'un dépasse l'autre. Selon la version rapportée par Muslim, Shu'ba dit, j'ai entendu Qatada dire dans ses récits, telle la différence de taille de l'un des doigts par rapport à l'autre. Je ne sais pas s'il a rapporté cela de la part d'Anas ou si c'est Qatada qui l'a dit. Al-Qurtubi, rahimahullah, dit « Le premier d'entre eux, des deux doigts en question, représente le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car il est le messager de la fin des temps, il a été envoyé sans qu'il n'y ait de prophète entre lui et le jour de la résurrection. » Allah Azawajal dit « Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyin. » Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Surat al-Ahzab, verset 40. La mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de la fin des temps figure la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith rapporté par Aouf ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comptez-en six avant la venue de l'heure, ma mort. » La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut l'un des plus grands malheurs qui toucha les musulmans. En effet, le monde s'assombrit pour les compagnons radiallahu anhum quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Anas ibn Malik radiallahu an rapporte le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à Médine, toute chose s'illumina. Mais le jour où il mourut, toute chose s'assombrit. Nous en avions terminé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions en train de l'enterrer, que nous démentions nos cœurs. Rapporté par At-Tirmidhi. Ibn Hajar, rahimahullah, dit il veut dire par là qu'elle, Médine, avait changé en comparaison à ce à quoi il s'était habitué durant sa vie, comme amour, sérénité et douceur, dû à la perte de ce qu'il leur apportait comme enseignement et éducation. Sa mort fut synonyme d'interruption de la révélation céleste. Telle fut la réponse donnée à Ayman, à Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'ils lui rendirent visite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant chez elle, elle pleurait. Ils lui demandèrent « Qu'as-tu à pleurer ? Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager. » Et elle de dire « Je ne pleure pas de ne pas savoir si ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Mais je pleure parce que la révélation s'est interrompue du ciel. » Elle les poussa donc aux pleurs et ils se mirent à pleurer avec elle. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort de la même manière que les gens meurent. Car Allah azza wa jal n'a octroyé la vie éternelle dans ce monde à personne. C'est une vie de passage et non une demeure éternelle, comme dit Allah Azawajal. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Surat al-Anbiya, versets 34 et 35. De nombreux autres versets montrent que la mort est une réalité, et que chaque âme goûtera celle-ci. Même s'il s'agit du meilleur homme de la création et du guide des pieux, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sa mort fut, comme le dit Al-Qurtubi, le premier événement tragique à s'abattre sur l'islam, puis la mort de Omar, radiallahu anhu. Le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut aussi la fin de la révélation et la mort de la prophétie, ce qui donna suite au premier méfait, celui de l'apostasie des Arabes et autres. Ce fut aussi la première interruption du bien et sa première diminution. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, dit « Certes, des événements se produiront après lui qui toucheront les cœurs et les poitrines. » Safiya bint Abd al-Muttalib, radiallahu anha, dit « Par ta vie, je ne pleure pas le prophète pour sa disparition, mais parce que je crains que le crime n'arrive. » La conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. La conquête de la demeure sacrée de Jérusalem est l'un des signes de la fin des temps. Aouf ibn Malik, radiallahu anhu, relate dans un hadith qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Comptes-en six avant la venue de l'heure ». Il cita parmi eux la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Rapporté par Al-Bukhari. C'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'eut lieu la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem en l'an 16 de l'Hégire, comme cela est relaté par les biographes. Omar, radiallahu anhu, se déplaça en personne, établit un compromis avec ses habitants, se chargea de la conquête et expulsa les juifs et les chrétiens. Il construisit ensuite une mosquée en direction de la demeure sacrée. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte selon Ubayd ibn Adam qu'il a dit « J'ai entendu Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, dire à Ka'b al-Ahbar, « Où penses-tu que je dois prier ?» Il répondit « Si tu suis mon avis, tu prieras derrière le rocher, et la demeure sacrée sera tout entière devant toi. » Omar dit alors « Tu as imité le judaïsme. Non, je prierai là où pria le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Il se dirigea en direction de la Qibla, pria, puis vint et étala son vêtement. Il frotta les saletés de son vêtement et les gens firent de même. Rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. La peste de Umwas. Umwas est une ville de Palestine à 6000 de Ramallah sur le chemin de Jérusalem. Dans le hadith précédent de Aouf ibn Malik, radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Comptes-en six avant la venue de l'heure, puis une épidémie qui vous atteindra tel le Kouas chez les ovins. » Ibn Hajar, rahimahullah, dit « On a dit que ceci est apparu lors de la peste de Umwas durant le califat de Omar, radiallahu an. Cela s'est produit après la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. En l'an 18 de l'Hégire, selon l'avis le plus connu de la majorité, une peste apparut à Umwas, puis se propagea dans la région du Shem. Un nombre considérable de compagnons y trouva la mort ainsi que d'autres. On dit que le nombre des pertes s'élevait à 25 000 morts parmi les musulmans. Parmi les plus connus, il y avait Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, radiallahu an, le digne de confiance de cette communauté. La profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse cherchera qui l'acceptera de lui comme aumône. L'homme sera appelé mais dira « Je n'en ai nul besoin. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Musa, radiallahu an, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Il arrivera une époque où l'homme se déplacera avec une aumône en or, puis ne trouvera personne pour la prendre de lui. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azawajal fera don à cette communauté, qu'il lui donnera des trésors de la terre et que le règne de sa communauté s'étendra en Orient et en Occident. Dans le hadith de Thauban, radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit en effet Certes, Allah m'a rapproché la terre, et j'ai vu l'Orient et l'Occident. Le règne de ma communauté s'étendra sur ce qui m'a été rapproché de la terre. J'ai reçu aussi les deux trésors, le rouge et le blanc. Rapporté par Muslim. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Et j'ai reçu les clés des trésors de la terre, ou les clés de la terre. Adi ibn Hatim, radiallahu an, rapporte Alors que je me trouvais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint à lui et se plaignit de la pauvreté. Un autre vint et se plaignit des coupes-jarrets. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Adi, as-tu déjà vu Al-Hira ?» Et lui de dire « Je ne l'ai jamais vu, mais on m'en a parlé. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Si ta vie se prolonge, tu verras certes une femme seule voyager d'Al-Hira jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Kaaba sans craindre personne sauf Allah. » Je me demandais alors en moi-même, mais où seront les brigands de Taïr qui corrompent les villages? Si ta vie se prolonge, tu verras que les trésors de Khosroès seront conquis. Je dis, Khosroès, fils de Hormuz. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Khosroès, fils de Hormuz. Et si ta vie se prolonge, tu verras certes un homme sortir une poignée pleine d'or ou d'argent en cherchant qu'il acceptera de lui sans trouver personne pour la prendre. Adi, radiyallahu anhu, poursuit. J'ai vu la femme seule voyager d'Al-Hira jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Kaaba en ne craignant qu'Allah. Je figurais parmi ceux qui ont conquis les trésors de Khosroès, fils de Hormuz, et si notre vie se prolonge, vous verrez certes ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abul Qasim, a dit au sujet de celui qui donnera une poignée pleine. Beaucoup de choses dont nous a informé le véridique sallallahu alayhi wa sallam se sont produites. Les richesses se sont multipliées du temps des compagnons, radiallahu anhum, grâce aux nombreuses conquêtes. Ils se sont partagés les fortunes des Perses et des Romains. Ensuite, les richesses ont abondé du temps de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, et l'homme proposait l'argent en aumône sans trouver personne pour l'accepter de lui. De même, les richesses abonderont à la fin des temps, en sorte qu'un homme proposera sa richesse et que lui dise celui à qui il la propose « Je n'en ai nul besoin ». C'est une indication, et Allah est plus savant, de ce qui se produira au temps du Mehdi et de Isa, alayhi salam, où les richesses abonderont et où la terre sortira sa bénédiction et ses trésors. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La terre dégorgera les fruits de ses entrailles, tels des piliers d'or et d'argent. » Il dit « Le criminel viendra et dira « C'est pour cela que j'ai tué. » Celui qui aura rompu ses liens de parenté viendra et dira « C'est pour cela que j'ai renié mes proches. » Le voleur alors viendra et dira « C'est pour cela que ma main a été coupée. » Ensuite, ils le délaisseront et n'en prendront rien. Ibn Hajar, rahimahullah, explique qu'il est possible que le fait que les gens se passent des richesses et les abandonnent soit au moment où le feu sortira, et que les gens seront préoccupés par le rassemblement. À ce moment, personne n'accordera d'attention à la richesse, mais veillera autant que possible à s'alléger. Ce qu'a cité Ibn Hajar, rahimahullah, quant au fait que les gens se passeront des richesses parce qu'ils seront occupés par le rassemblement, n'empêche pas qu'ils s'en passeront pour une autre raison qui est la profusion des richesses, comme ce sera le cas du temps du Mehdi et de Isa, alayhi salam. Ainsi, la renonciation aux richesses se produira à deux époques, même éloignées, pour deux causes différentes. Et Allah est plus savant.